il est temps d'élire les langues. Délicat, délicat, des bites, des filles, des gangs, méfie des bandes pour se défendre sans se méprendre. Une petite meuf peut détendre et percuter des temples hip-hop. Je représente fan de rap, de grave, de DJ, de break. Dans le milieu, je pointe ma tête, ouais, et je pose ma graine, pas certaine d'arriver à la fin sans briser les reins. Mais je suis là au moins, j'égaye un peu mon quotidien. 25 piges du vécu, pas assez pour avoir tout vu, mais assez pour botter aisément les trous du cul. T'as vu, ça le mérite d'être clair, hein, pas comme ce pute, mais comme la limpidité et la véracité de mes vers. Je persévère avec du flair, il en faut, car cette affaire fallait la faire sans se la faire mettre, ou pire sans la naître, avec de l'U et des NEM. C'est la règle des 3D, 3 dangers, 3 délégués, 3 dérivés de la scène indé. On arrive sans prétention, mais conviction unie par son, par extension, par les bastons, et tout ça sans fiction. Des textes en fusion avec mission, tourmenter les 10 maisons, indépendants et puristes, pour détermination. Une instru, 3 cahiers, c'est un esprit d'équipe, mon gars. Delita, veste ta race, des lèmes de l'U, efface les traces, efficace, c'est tenace, découpe les dés avec un schlas, menace la masse. D'arriver sans mon présage, les jeunes ont la rage, on fout le carnage, à fond de taquet en dérapage pour briser les reins. Tension live sans fin, j'ai cru entendre comme un carambolage derrière. Un moreto entendu jusqu'au ministère des blatter. Mais oui, tu sais, comme les commères d'élitage, je te le redis au cas où t'as pas compris. Accompagné des miens, aucun vrai tombé dans l'oubli. J'en place une pour tous ceux derrière qui prennent pas le chromis. Trop long à énumérer, mais bien présent dans la vie. Pour eux, je retranscris mes lyrics jusqu'au manque de salive. Pour eux, j'étudie mes rimes jusqu'à l'anorexie. Jusqu'à la feuille planche et le vide sidéral. Mais jamais je flanche, jamais je me fais mal. Déterminé à tout péter, retiens mon blas, ça va changer. Arriver dans le rap avec un gros moteur au cul, j'occupe la suite comme une furie, t'as vu. Parce que t'as pas une écoute plus perfectionnée que la mienne. Je sais très bien qui sont les MC qui nous malmènent. Des nems, t'as vu, certains nous ont pris pour des trous du cul. Leur double album c'est une catastrophe, en un seul 20 balles perdues. Moi je balance pas de trucs, j'assumerai pas par la suite. Changerai pas de discours et ce, même pour du bif. Un code de l'honneur, moi je te donne une montagne de valeur, percutante comme la manière dont changerait pas de carrière. Un défaut, chez moi y'en a pas, t'es fou. Pas prêt à donner leur cul comme des lance-bas ou lâcher des faves pour passer sur Sky. Sur quoi? J'étais le portrait des personnages. Pour qu'ils voient autre chose, des gamins qui font outrage. Fanatique de rap avec une discographie de fou. J'ai de quoi parler parce que j'en ai acheté un bon bout. Pas un téléchargement, aucun sens d'activité. C'est ma manière à moi de montrer que le rap est fait pour partager. Je rappe pour tous les sceptiques antipathiques. 44 emblématiques sans polémique. Dealer, Delita, l'ennique. Ouais, dealer, Delita, l'ennique. Si, si. Delita, mon ABCDR. Ouais, ouais. Des crews, des OLU. Si, si, t'inquiète, on est hal. 3 sur F de freestyle, fais tourner ton pet, sinon y'a bataille. Plus de place pour le détail et le détaillant. À part ces 22 ans, trop de keufs déguisés en clients. Monte au charbon, fais les choix qui semblent être bons. N'oublie pas maintenant tes darons, je me pète la tête, je me remets en question. On fait le taf en famille à l'occasion, roule un gros pet, le seul moyen de lâcher la pression. Pousser ses rapports, j'avoue, c'est ça qui est bon. Oublie tes bonnes résolutions, trop de pulsions. T'es pas genre mauvais garçon, la vie est belle, hein. Je veux même Star Coke, De Niro dans Casino. Toi-même, tu sais, à Noël, je veux un désert. Petite gueule dorée, expert en briquet volé. Putain, je te raconte quoi? Les garbales bisent en bas de chez moi. J'fume des spliffs, ma fille grandit, alors quoi? J'vis à l'instinct, pas de festin. On fume la tête, y'a pas le destin. Rentre dans ma bulle, où les bas saturent. Sur les scuds, y'a trop de rayures. On a tous Ricard la bavure. Sortons sur un, à 4 sur 1. Roule un 4 feuilles si t'es pas qu'un. La vie est triste, pas de joyeux, encore moins de joyaux. Dans mes chapeaux du bédo, dans ma tête, trop de blême pro. 22 piges, rien n'a changé à part que j'ai changé de quartier. Deux dans la même année. Racu de ramer, gratter mes textes sur du papier à poncer. Trop de chemin me gêne pour respirer. J'ai smoké le bise, les intérêts. Entasse les culs de pète dans mon standard taché. Autant que mes poumons trop abusés. Anti-patrouille, j'ai pas changé. Les poignets rayés à cause des bracelets dorés. Trop de dépenses, peu d'entrée, mon banquier. J'ai failli niquer. Affamé, j'ai la dalle, j'veux du rap de billets. Des phases amères, je sais. La vérité, j'me fais niquer entre DF et les Condés. Moins de contact dans mon phone télé. 3D dans l'indé, t'as qu'à écouter. Tu veux prendre en compte mes capacités. D-O-L-U, j't'aide à les plaies. J'lève mon verre dans les soirées, j'bois la tâche, j'me suis noyé. Nique sa merde, bling bling, les grosses tasses payent. Y'a plus Nesby, trop de soucis. J'écris mes textes sur mon Blackberry. Ainsi va la vie, j'roule des pets et c'est reparti. Va croire que j'galère, temps passé c'était hier. Vois pas mon avenir dans un pack de bière. J'écris de spi pour moi et mes frères. Il s'avère que, pour manier le mic, il faut être talentueux. Désolé, moins présent qu'à l'argent je veux. Je fais toujours le même vœu, la nuit je dors, je fais des rêves de ouf, style mafieux. Très forte attirance pour le bédo, les armes à feu. Laisse couler la goutte de sang, apparemment, les mains en l'air. Je crains les dires d'un apprenti agent. L'argent brûle les doigts, la vie est belle, tu t'écroules là. Ouais, ouais, opération freestyle de ma gueule, si, si. 3D Crew 44, TRSP, vas-y, Denem, dealer. Si, si, t'inquiète, pour mon ABCDR d'NM, ok. 7,50 pour poser, 7,50 pour te claquer. Dolu et Delita à mes côtés, je vais tout éclater. Faire péter la tête comme un barillet. Nous on te fait du son qui vient du pavé, qui colle au pavé. Moi je kiffe pas les balades à la Jodassin. Non, non, moi c'est plutôt les instrus sans fin, couplet sans frein. Quand j'écris, je fais péter le frein, ton flow face au mien. M6 et une R5 face à une R1. Et ouais, pas de demi-mesure, ni forcément de 16 mesures. Mon rap n'est pas formaté, je te l'assure, pas de censure. Vas-y, fais péter le son jusqu'à ce que tes baffes, tes voisins saturent. Tu peux en être sûr, dans les 3D y'en a aucun qui te fera du son à la vite F. On parle pas juste pour dire qu'on sert des petites fesses. Si y'a de sort un double album, c'est qu'il y a un concept. Pas juste pour dire wesh, j'suis dans la compète pour écrire ce texte. C'est vrai, je me suis un peu enfumé, mais va pas croire non plus que je me suis cocaïnisé. On m'a demandé de poser sur le F de freestyle. Bien sûr, ce sera pas du son de caille, une démonstration de mon style. Du bon vieux hip hop bien lourd, un truc à 30 louis à un sourd. Du putain de rap sans détour. Quand je prends le mic, t'esquisses un sourire. Moi quand tu le prends, j'esquive, c'est irrésistible, envie de vomir. Au cas où t'as pas compris, mon blast c'est des nems. Dans le rap, j'arrive pour prendre les rênes avec une attitude sereine. Je te balance des rimes saines ou malsaines. Pas de mise en scène, le peur à mon arène où je te malmène. Au micro, je suis pas tiédi, je suis bouillant comme un ricain en territoire afghan. Pas le temps de prendre mon temps, donc je rentre dedans. Casse les dents sur beat performant avec Dolu qui regarde les bras ballants tout en rigolant. Tous ceux qui disent que le rap est mort, on dort. Y'a des tas d'MC trop forts qui sortent encore et encore. Mais c'est vrai qu'il y a du tri à faire entre les nouveaux qui pensent qu'au billet vert et des anciens qui ont oublié ce qu'ils étaient venus faire. Donc je m'affaire à défendre le rap tant qu'il faut le faire. Mais trop de gens n'y comprennent rien, donc j'lâche d'affaire. Et je préfère rester pépère avec les miens, faut le dire, faut être honnête. Les seuls avec qui je suis bien, comme le soir où on a festite à trois dans une brechante. C'est parti pour une soirée sans, on n'a pas de matos, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en branle de toute façon. En pleine inspiration, pilon sur pilon, je te pilonne, je te sectionne et t'affectionne mes rimes qui déjà résonnent dans ta tête comme une chanson qu'on fredonne pendant des heures. Donc dealer à tous ceux autour de toi, jeune Dieu, bonne sœur ou dealer, qu'on vient remettre les pendules à l'heure. Et si ce que je te dis tes cœurs, c'est que t'as rien compris, alors ouvre ta porte, ouvre tes yeux et va voir ce qui se passe dehors. Va voir comment celle dès le bord, puis écoute le G qui suit, tu comprendras que j'ai pas tort. Si si, j'ai pas tort ma gueule, t'inquiète, pour Delita, mon ABCDR. Si si, on est Al, on représente mon ABCDR 4-4.